Le Trois Corons, le palais de la culture du peuple à Pyongyang, a abrité la cérémonie consacrée à la journée de la malaria. Y ont pris part les cadres du ministère de la Santé publique, des formations sociales et des domaines intéressés et de la presse, ainsi que les officiels des institutions internationales, comme le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et les diplomates de divers pays en Corée. Après les interventions, on a informé des activités effectuées en Corée pour la prévention de cette maladie et du projet coréen du contrôle de malaria pour 2016. Ensuite, les participants ont vu un vidéo sur la prévention de la maladie et la représentation artistique de propagande hygiénique des élèves.